Parlez-moi de sexo, parlez-moi de son, parlez-moi pour me faire marrer n'importe quelle façon. Parlez-moi de sexo, parlez-moi de son, parlez-moi pour me faire marrer n'importe quelle façon. Ok, parlez-moi de sexe, parlez-moi de son, parlez-moi pour me faire marrer n'importe quelle façon. Me parle pas de tes ex, j'sais très bien ce qu'ils te font. Dans ton lit, moi j'serais plutôt ski alpin que ce qu'ils te font. J'ai pas que des qualités, mais j'ai tout ce qu'il te faut. Je nettoierai les vis planétaires à la Jigsaw. Pour toi j'serais un héros, mais ça sera complètement faux. On me dira que je suis fou, que je suis con, peut-être j'm'en fous. Alors parlez-moi de ciné, parlez-moi de musique. Surtout me parlez pas de boulot, me parlez pas de l'usine. Quand je sors une vanne souris, tant mieux si c'est la pire. S'il fallait pas la sortir, si elle te déclenche un fou rire. Je suis dans le game et c'est plus fort que moi. L'essentiel c'est pas de participer, non. C'est de faire n'importe quoi. Tout le temps avec mes potes, tout le temps avec les filles, avec ou sans capote, en tout cas tout le temps, vérifie. Je suis pas chez moi, j'éteins mon tel, je suis en pleine action. Je reçois plus tes conseils, sur moi ricoche les réflexions. Vous avez tout vu, tout fait, vous savez juste parler. Ferme ta gueule ou j'aggrave ta langue au palais. Parlez-moi de musique. Parlez-moi de musique, parlez-moi de l'usine. Me parlez pas de foot, j'y connais rien, je suis pas. À part une coupe sur PES, me parlez pas de FIFA. J'ai pas de manette collée aux mains et je risque pas de l'avoir. Mais je peux me lever la nuit pour mes OP sur Tribal War. Me parlez pas de politique si vous êtes de droite. Me parlez pas de métaphysique quand je suis fonce D ou quand je suis en boîte. J'ai pas la science infuse, j'ai pas l'écoute active. Tant que je suis là, je m'amuse, s'il y a de la tease, j'arrive. Me parle pas de la thèse ou des gags tuniques. MC, me parle pas de ta caisse, me parle pas de tuning. C'est la connerie humaine, c'est notre plus grand tournoi, j'ai pas tellement de respect, mais j'aime l'idée que t'en es pour moi, donc parlez-moi plutôt de haine, de chat par centaine, parlez-moi de RAP, me parlez pas de love, c'est vraiment plus la peine. Je suis en train de te faire écouter un sommaire, alors me parle pas quand je parle ou parle après le pipe sonore. Me parlez pas, j'ai pas d'écoute, rien à foutre. Me parlez pas, je plaisante pas, s'il y a un doute, je m'en bats les couilles. Me parlez pas, je suis pas là, j'ai pas mon phone, je veux pas de message. Ne parlez pas, mentez, trompez, tentez-vous, moquez-vous, mais surtout, ne parlez pas. Parlez-moi de musique, parlez-moi de l'usine.